Les belles rencontres. Aujourd'hui, nous vous présenterons la conclusion de l'entretien qu'a eu Anne Bergeron avec Manouche, aquarelliste de Dodwell. Tu fais aussi des... tu enveloppes des lampes, tu fais des oui, lampes je fais aussi. Les lampes aussi, oui. Oui. Ça, les... C'est le même principe, mais c'est pas roulé. C'est pas roulé. Mais c'est du découpage, oui. Et après c'est du marouflage. C'est après, ça. Après, je maroufle par derrière avec du papier Japon, d'habitude, les lampes. OK. Est-ce que t'as une préférence entre les lampes et puis... Ou bien si c'est par période? Ah non, les lampes, c'est très ennuyant. Ah! C'est très ennuyant parce que c'est... d'habitude, c'est des... Excusez, mais c'est des commandes. Puis des fois, là, je suis... Okay. Les premières, ça m'a beaucoup amusée. Mais quand il faut que je me répète, je suis pas capable. C'est ça, c'est la répétition. Ah, je suis pas capable de la répétition. Tout le monde me dit, ouais, tu devrais faire la répétition, c'est comme ça que tu gagnerais de l'argent. Je suis pas capable. Je suis malheureux, je suis pas ici, là. Et puis, je me suis pas donné cette vie-là pour faire une usine de lampes. J'ai pas le goût. J'arrive sans ça. Ouais. Donc... Je ne sais pas pourquoi je m'embêterais, moi, à faire 30 lampes pareilles, qui, c'est sûr, mais... Oui. Puis là aussi, il ne faut pas passer sous silence que tu fais tu continues à faire des masques. Ah, je fais des masques. Tu continues, t'aimes ça, faire ça? J'adore les masques. J'adore les masques. J'adore les masques parce que c'est toujours un personnage, c'est un état. Là, comme je m'en vais en France, je vais faire une exposition là-bas, j'ai pris les animaux du Québec, les animaux sauvages, ceux qui m'entourent vraiment, et j'ai à peu près une quinzaine d'animaux là, de sauvages. Donc ça va plaire, je pense, beaucoup aux Français, j'espère. Oui, sûrement. Et... Tu vas exposer dans quelle place en France? Dans le sud, dans le à Sommières. OK. C'était une école de cirque. Ah, OK. Et ils ont aussi une très, très grande galerie. Donc, c'est ça. Là, c'est un centre d'art. Et chez des particuliers, dans une propriété magnifique à côté de Paris. Mm-hmm. Et donc, eux, ils vont faire comme un coltel privé, mais c'est des... Félicitations. Ah ben merci. Oui, je suis très contente de ça. Fait que là, t'as fait une nouvelle production pour les animaux du Québec. Oui, les animaux et aussi d'autres aussi. Je me mets sur les végétaux aussi. Oui. J'aime beaucoup les végétaux, mais des végétaux un peu bizarres. Tu regardes pas dans les livres comment sont faites les végétaux? Ah non. Ben là, j'ai fait un pois. J'ai fait un masque pois. Un masque pois? Oui. Un masque pois. OK, qui c'est ça, ouais. Tu fais des animaux, mais en même temps, tu fais des... Oui, ben des fois, je me dis hop, et puis l'autre... Et puis, bon, ben, quand je vends aussi une pièce, parce que sur toute cette collection-là, j'en ai 50 maintenant, masques. J'en ai 60 même. Donc, je veux vraiment pas... c'est une collection. Donc, à chaque fois qu'on m'en achète, j'en refais tout de suite. Okay. Pas pareil du tout. Non, mais non. Si c'est la terre, ben je vais refaire un masque de la terre. Ah, si c'est oui, c'est ça. Si c'est un animal, je vais refaire le masque de cet animal-là. Ça va pas être pareil, mais non, ça c'est sûr. Hein, c'est pas. Tu fais jamais les choses en série. Non, c'est ça. C'est toujours une invention. Oui. Mais quand tu fais des animaux, là tu vas apporter là-bas. C'est ça, des animaux d'ici. Est-ce que, pour être sûr que tu étais correct, est-ce que tu as fait des recherches pour savoir la morphologie? Oui, ça, j'ai des photos. T'as des photos? J'ai des photos, puis je me fais des grandes lignes. OK. Et puis je travaille avec ces grandes lignes-là. Ouais. Et puis après, je m'en vais, là. Mais j'essaye d'être très... ils ressemblent, mes animaux. C'est pas des animaux... Ils sont très... Un loup ressemble à un loup. Oui. Un ours ressemble à un ours. J'espère qu'il ne ressemble pas à un cochon. Sûrement pas. Voilà. OK. Mais là, en ce moment, c'est ça que tu apportes la bonne série d'animaux. Mais est-ce que quand tu commences une série, tu as toujours un thème, comme quand tu commences un masque? Tu commences Non, j'ai pas de thème, t'as ça pas dépend. De thème. Non, la première parce que je ferme ma création là d'habitude au mois de mai. OK. Parce que j'ai pas le temps, je il faut que je m'occupe de tout ça, là. Oui. Donc, j'ai un gros jardin, là. Oui. Il va falloir que je plante mes oignons. Oui, donc, moi, je ferme ma production au mois de mai et je rouvre mon atelier au mois d'octobre. Ah, oui. Oui. Okay. Mais pendant ce temps-là, pendant le mois de mai, ben, j'expose et je fais tout le marouflage, le collage, le... Tout ce qui est plus technique, là. Tous les trucs techniques et je roule aussi pendant l'été. OK. Ça veut dire, ben, alors, tu gardes quand même la création aussi dans l'été. Oui, mais c'est plus technique. C'est plus technique, oui. La production, c'est plus dans les temps de l'hiver. Dans les mois d'hiver. Oui, tout l'hiver. De toute façon, comme c'est 6 mois. C'est ça, 6-7 mois. Oui, je recommence au mois d'octobre. OK. Et puis au mois d'octobre, je me laisse vraiment, je me donne pas de thème. Est-ce que quand tu fais tes choses techniques durant l'été, est-ce qu'il y a des idées qui te viennent? Oui. Que tu mets sur papier et que tu vas continuer après. Je vois des petits insectes et puis je les trouve tellement beaux. Je me dis, je vais faire un petit insecte comme ça. Est-ce que tu prends des photos ou un enfant? Oui, je prends des photos. Je travaille aussi avec des photos pour les animaux sauvages parce que j'en vois pas. J'en vois, mais j'arrive pas à les photographier. Faudrait les voir de loin. Je travaille beaucoup avec des photos. Avec des photos. C'est normal. Oui. C'est mieux de pas les avoir trop proches. C'est ça, pour les jardins. Fait que, alors, comme toi, quand tu fais des choses, c'est beaucoup figuratif, mais il y a toujours une symbolique aussi. Oui. Comme quand tu fais un masque, quand ton masque poids, est-ce que tu mets une petite légende ou si tu l'expliques comme ça aux gens? Oh, les gens le voient, ils rigolent. Ils rigolent, ok. Ouais, ils l'aiment bien. Puis ça m'a fait... Puis bon, moi j'aime bien rire, hein, alors j'essaie toujours de mettre de l'humour aussi un peu dans mes œuvres. Hein, parce que c'est ça, il faut... L'art, c'est positif. Oui, c'est ça. Hein. Puis donc, moi, quand je fais un poids, je tombe en amour avec. Je trouve très joli. Oh, bien, on a fait pas mal, en tout cas, le tour, même si c'est... Ça, on pourrait en parler longtemps parce qu'une création, c'est très, c'est sur une grande période de création. Oui, c'est très dense quand même. Bien, t'as été très généreuse. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Anne. Merci infiniment pour nous avoir éclairé sur ton extraordinaire esprit créateur. Puis je pense que le mot il est pas assez fort. On le ressent, mais en mots, c'est plus, ça limite plus. Fait que t'as un immense bagage aussi. Alors, pour ton esprit créateur, en innovant des œuvres uniques et originales, telles des sculptures durables en papier. Voilà. Félicitations et merci beaucoup. Merci. Et bonjour et à la prochaine.